cherche un peu de lumière. Je vois au loin une âme volontaire. Atterrissage au château mystère. Pendant cet instant, elle sera ma congénère. Elle écartée dans le cadre de la fenêtre. Ma colombe, ma proie est comme dans une cage. Soudain caressée par un souffle opportun, la belle s'offre à moi, je l'habite en son sein. Je m'étreins tendrement pour ne pas que la bête s'envole. Elle est à ma merci, je sens qu'elle s'affole. Curieusement, l'ange au pomme parfait décide de m'embrasser. Au milieu de cet édifice moyenâgeux, nous laissons nos fluides se mélanger. Des mains collées sur les montants, cheveux au vent penchés en avant. L'adorable cambrure de tes reins, tes jambes écartées me donnent faim. Tes jolis seins poilent dans ces ruines, je saisis ta croupe et l'incline. Face à l'étendue de mon royaume, je pensais qu'il n'est plus une môme. Il est probable que je sois le diable, mais toi tu aimes ça. Même si par mes gardes, tes malheureux regardent, toi tu t'en fous, tu te régales. J'aime quand ta fierté tu ravales. Mon fantasme médiéval, délecte-toi de ma semence royale.